الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن من صفات الكمال والجمال والجلال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم صفة الكلام على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله فالقرآن كلام الله كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه والله عز وجل ينادي البعيد ويناجي القريب كما قال سبحانه عن كليمه موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقد اختص الله عبده موسى بالتكليم في الدنيا فأسمعه كلامه فقال سبحانه وكلم الله موسى تكليما وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وليس موضوع هذه الخطبة عن هذه الصفة العظيمة صفة الكلام ولكن اخترت لكم بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها تكليم الله لأهل الجنة أو لبعضهم لنتذكر ونستحضر شيئا من ذلك النعيم ولعله يكون مشوقا لدار السعادة والسرور فننشط للعمل لها بصالح الأقوال والأعمال serviteur d'Allah sachez que parmi les attributs et les caractéristiques de perfection et de majesté et de beauté par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit de même que son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit il y a l'attribut de la parole c'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui lui convient qui convient à sa perfection et à sa majestuosité le Coran est la parole d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement dans le Coran lorsqu'il dit et si l'un des mushrikins te demande ta protection si l'un des mushrikins te demande sa protection alors protège-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah et Allah subhanahu wa ta'ala Il appelle celui qui est loin et il parle à celui qui est proche. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa. Et lorsqu'il dit, et nous l'appelâmes du côté de la montagne, à Tour. Et nous l'avons rapproché en lui parlant doucement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme caractéristique au prophète Moussa alayhi salam, à son serviteur Moussa, une de ses caractéristiques, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé dans cette dunya et lui a fait entendre sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran qu'il a certes parlé clairement à Moussa. Et il dit, et lorsque Moussa est venu à notre rencontre et que son Seigneur lui a parlé. Et le sujet de cette khutba, ce n'est pas au sujet de la parole ou de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est une des grandes attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, j'ai choisi quelques hadiths authentiques dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle aux habitants du paradis et ou bien dans lesquels il parle à certains des habitants du paradis pour qu'on puisse se rappeler et mentionner quelques-uns des délices que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les habitants du paradis pour que ça puisse nous donner l'envie et le désir d'obtenir comme récompense la demeure du bonheur, c'est-à-dire le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour que cela nous motive à faire de bonnes œuvres et à dire des bonnes paroles. فإن نعيم الجنة يا عباد الله لا حصر له وإن من أجل نعيمهم أن يكلمهم الله أن يكلمهم ربهم وخالقهم ومولاهم ويكلمونه فمن تكليم الله لأهل الجنة ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقول وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Serviteur d'Allah, sachez que parmi les délices du paradis, sachez que les délices du paradis n'ont pas de limite et sont innombrables, tellement ils sont grands et ils sont nombreux. Mais parmi les plus grands délices des gens du paradis, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à eux. Les gens du paradis, leur Seigneur, leur Créateur, leur Maître va leur adresser la parole et eux vont parler avec lui. Et parmi les exemples des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala adressées aux habitants du paradis, il est rapporté de façon authentique dans Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala dira aux habitants du paradis, ô vous les habitants du paradis, et ils diront, nous voici ô notre Seigneur, nous voici, nous venons vers toi et le bien est entre tes mains. Alors Allah leur demandera, avez-vous été satisfait? Êtes-vous satisfait? Alors ils diront, et comment ne serions-nous pas satisfaits, ô notre Seigneur, alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à aucune autre des créatures? Et alors Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, ne voulez-vous pas que je vous donne ce qui est meilleur que cela encore? Alors ils diront, ô Seigneur, et quelle chose pourrait être meilleure que cela? Alors il dira, je vous donne ou je mets sur moi ma satisfaction et mon agrément et je ne serai plus jamais en colère après cela. فيسألهم سبحانه وهو أعلم بهم ولكن أحب أن يظهر نعمته وامتنانه وتفضله عليهم وكرامته لهم وكيف لا يرضى من أمره الله بالعمل ووفقه له وأعانه عليه وأثابه عليه الثواب العظيم وفي دار لا يبلى نعيمها ولا يفنى شبابها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah subhanahu wa ta'ala leur demande, alors qu'il sait mieux leur situation, mais il leur demande dans le but de montrer ou de faire montrer sa grâce et sa faveur sur eux et le mérite qu'il a sur eux et toutes les générosités qu'il leur a fait part. Parce que Allah aime faire paraître sa générosité et sa grâce sur ses serviteurs. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala ne serait pas satisfait de celui à qui il a ordonné de faire des œuvres et à qui il a donné le succès et à qui il a aidé de faire les bonnes œuvres et lui a donné la meilleure des récompenses. Dans une demeure, un paradis, des jardins dont les délices et les grâces ne terminent jamais et dont la jeunesse est éternelle. Il y a dans ce paradis ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. وبعد أن يجيبوه معلنين رضاهم يفاجئهم بالمزيد من فضله ويطمنهم ويبشرهم بحلول رضاه عليهم الرضا التام الذي لا يعقبه سخط ولا غضب فما أكرم الله وما أوسع فضله وما أعظم عطاه أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. Et donc après qu'il leur ait répondu et qu'ils aient répondu à son appel, eh bien il leur donne la surprise de les augmenter dans sa grâce et de les sécuriser et de leur annoncer la bonne nouvelle de sa satisfaction totale et complète et entière, qui ne sera suivi d'aucune colère et d'aucune colère, et que Allah subhanahu wa ta'ala n'aura plus de courroux contre eux, ni de colère. Et donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est généreux, comme sa grâce est grande et immense, et comme son don est généreux et immense également. Donc, il leur donne de sa grâce, et il leur dit, je ne me fâcherai plus jamais contre vous après ce jour. وفي حديث آخر أن أهل الجنة بينما هم في نعيمهم وأنسهم ولذتهم وإذا بربهم يتفضل عليهم بنعيم لا أجل منه ولا أكبر منه. ففي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب عن وجهه الكريم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وهذا أعظم نعيم يعطيه الله أهل الجنة أن يكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم فيرونه بأبصارهم بعيونهم التي في وجوههم فيتلذذون برؤيته لذة لا مثل لها. وهذا ربهم الذي آمنوا به ولم يروه وعبدوه ولم يروه وأحبوه ولم يروه وخافوا منه ولم يروه. وها هو ربهم الذي لا مثل له ولا ند له ولا سمي له ولا كفء له ولا يشبهه شيء يرونه في دار النعيم. وذلك معنى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعنى قوله على الأرائك ينظرون. ومعنى الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Serviteur d'Allah, un autre exemple parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel on voit que les gens du paradis, alors qu'ils sont en train de jouir des délices d'Allah et de jouir de ses plaisirs et de sa douceur, eh bien, leur Seigneur leur donne une autre de ses grâces, la plus grande et la plus merveilleuse de toutes ses grâces, comme il a été rapporté selon Suhayb dans Sahih Muslim, que les gens du paradis, alors qu'ils sont dans le paradis et qu'ils entrent au paradis, Allah tabaraka wa ta'ala leur dit: voulez-vous que je vous augmente et que je vous donne plus? Et les gens du paradis répondent: n'as-tu pas rendu nos visages éclatants et tu nous as fait rentrer dans ton paradis et tu nous as sauvés de ton enfer? Alors à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala dévoile son visage et il regarde le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont rien été donné de meilleur que de pouvoir regarder leur Seigneur Azza wa Jal. Et ça, c'est le plus grand délice par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé les habitants du paradis, qu'il enlève le voile de son visage pour qu'ils puissent le voir avec leurs yeux et jouir du plaisir de la vision, de pouvoir regarder leur Seigneur. Et c'est leur Seigneur en lequel ils ont cru sans l'avoir vu, et qu'ils ont adoré sans l'avoir vu, et qu'ils ont aimé sans l'avoir vu, et qu'ils ont craint sans l'avoir vu. Et voilà leur Seigneur, celui qui n'a rien de comparable à lui, qui n'a aucun égal, aucune chose n'est comparable ou égale à lui, et rien ne lui ressemble. Et il le voit dans la demeure des délices, le paradis. Et c'est la signification de la parole d'Allah dans le Coran lorsqu'il dit: et les visages ce jour-là seront resplendissants, regardant leur Seigneur. Et la signification du verset dans lequel il dit: alal ara'iki yanzurun, c'est-à-dire sur des lits, ils regarderont, c'est-à-dire regarderont le visage de leur Seigneur. Et c'est la signification de az-ziyada, c'est-à-dire le surplus, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ceux qui ont fait le bien auront en récompense le bien et quelque chose de plus. ومن حديث الله لأهل الجنة كلامه معهم ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون وقد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو في حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية. Également parmi les hadiths dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle aux gens du paradis, il y a le hadith qui est rapporté par Abu Sa'id, selon Abu Sa'id al-Khudri dans Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque les gens du paradis entreront au paradis et que les gens de l'enfer entreront en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala va dire: toute personne qui avait la quantité d'une graine de moutarde de foi, qu'il soit sorti de l'enfer. Tous ceux qui avaient la quantité d'une graine de moutarde de foi, qu'on les fasse sortir de l'enfer. Alors il les fera sortir alors qu'ils auront été grillés, hein, et qu'ils seront devenus comme du charbon. Et on les lancera dans le fleuve de la vie. Et ils pousseront comme une pousse lorsque sa tige sort et commence à pousser. Et donc, elle sort comme si elle était jaune de son écorce. Et bien, c'est de cette façon que la personne qui a cru en Allah, mais qui avait commis des péchés et que Allah a fait sortir de l'enfer après l'avoir puni, il sortira comme un morceau de charbon calciné. Et de ce morceau, hein, de cette pièce brûlée, sortira une pousse, comme lorsqu'une pousse sort d'une graine, et il renaîtra, il revivra comme il était auparavant. وهذا يا عباد الله من نعيم الله لأهل التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، هذه رحمة ربكم وهذه رأفته بأهل التوحيد من عباده، ينادي أهل الجنة فيأمرهم أن يخرجوا إخوانهم الموحدين من نار جهنم، وهم الذين لقوا الله بالتوحيد ولكن ارتكبوا في الدنيا من الجرائم والآثام والقبائح ما استحقوا به الوعيد والعذاب الشديد، فيأذن لأهل الجنة الذين سبقوا إليها بالشفاعة لهم وإخراجهم من النار، ولو شاء لأخرجهم بلا شفاعة، ولكن كي يدخل السرور على قلوبهم ويظهر فضلهم إذ شفعهم في إخوانهم فيخرجون من النار بعدما صاروا فحما محترقين، وقد أكلت النار كل شيء فيهم إلا مواضع السجود منهم، فإذا أخرجوهم ألقاهم الله في نهر الحياة فينبتون نباتا جديدا، فإذا تم نباتهم أدخلهم الله الجنة ونعمهم فيها النعيم المقيم. Serviteur d'Allah, cela fait partie de la grâce et de la miséricorde de votre Seigneur pour les gens du tawhid, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas commis de shirk, qui n'ont rien adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont adoré que lui. Eh bien, parmi ces serviteurs qui ont été sur le tawhid et qui n'ont jamais commis de shirk, eh bien, les habitants du paradis vont être ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder pour ceux d'entre les gens du tawhid qui ont été punis dans l'enfer. Parce que parmi eux, il y en aura qui ont commis des péchés et qui auront mérité l'enfer. Alors, les gens du paradis, ceux qui auront précédé les gens dans le paradis, Allah va leur ordonner de faire sortir leurs frères qui ont été sur le tawhid de l'enfer. Et donc, parce qu'ils ont commis certains péchés dans la dunya, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa justice, a voulu les châtier dans son enfer. Et donc, il demande aux gens du paradis, intercédez pour vos frères, faites-les sortir de l'enfer. Et donc, par leur intercession, ils sortent de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu les faire sortir sans leur intercession s'il voulait. Mais c'est pour mettre de la joie dans leur cœur et pour montrer sa grâce et pour faire en sorte qu'ils intercèdent pour leurs frères pour les faire sortir de l'enfer après qu'ils sont devenus calcinés et brûlés comme des morceaux de charbon et que le feu a tout mangé de leur corps excepté la trace de prosternation qui n'a pas été brûlée comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Et donc, quand ils sont sortis de l'enfer, dans cet état, Allah subhanahu wa ta'ala les met dans le fleuve de la vie. Et ils repoussent, comme une graine lorsqu'elle pousse la première fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala les fait par la suite entrer au paradis. فالحذر الحذر من البدع والمحدثات والحذر من الفواحش والمنكرات والتزموا السنة وأطيعوا ربكم واجتنبوا معصيته ولا تعترضوا لغضب الله ومقته فإن غضب ربكم عظيم وأخذه أليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، واجعلنا من أهل الجنة، وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم.